vient d'être repéré au village de la Forêt, à l'intersection de la rue du Canada et de la rue de Washington, où des riverains ont repéré un nid de taille impressionnante d'environ 80 cm de hauteur et autant de circonférence. Le nid est installé à la cime d'un chêne à environ 15 mètres du sol sur une propriété privée à la lisière du trottoir. Habituellement, et c'est le cas ici, les frelons asiatiques vont chercher leur nourriture à plus de 50 mètres en dessous du nid. Il y a quelques jours, lorsque le temps était au vent et à la pluie, l'habitante des lieux a remarqué qu'exceptionnellement, de nombreux frelons volaient bas sous l'arbre. Elle a donné l'alerte. Un spécialiste est venu sur place mardi dernier vers midi et a estimé l'essaim à plus de 5000 individus et 200 rennes. Des rennes qui chaque jour quittent leur nid avec un groupe de plusieurs centaines de frelons pour aller nidifier et proliférer ailleurs. Sur place, l'expert a précisé qu'un nid de cette taille devait être détruit le soir ou le matin quand tous les frelons sont rentrés et que la température extérieure ne favorise pas leur vol. Dans une rue très passagère où les habitants du quartier et les bus circulent régulièrement, où de nombreux lycéens cheminent pour aller ou revenir du lycée Sangor voisin, il ne fallait pas tarder pour intervenir. L'opération de destruction du nid a eu lieu mercredi et s'est avérée particulièrement à risque pour l'entreprise spécialisée venant de Bernay et commanditée par la Secomil, propriétaire du pavillon. Près de 900 000 tonnes de déchets inertes d'origine et de composition plus ou moins connues, déposés en 10 ans dans un champ à 200 mètres du lotissement de la Clé des Champs à Arnières sur Iton, voilà ce qui attend les habitants de la commune si le projet de création d'un site d'enfouissement porté par l'entreprise Guintoli voit le jour. Il y a quelques jours, lors du conseil municipal, l'inquiétude était palpable. Le maire Pascal Jauret a fait son mea culpa. Il y a 3 ans, on nous a présenté une convention de 4 pages assez vague que l'on a signée. On se retrouve aujourd'hui avec un dossier de 300 pages discrètement envoyé en pleine vacances et qui prévoit notamment le passage de 175 camions par jour et la création d'une route goudronnée de 7 mètres de large en guise d'accès. Nous nous opposons fermement à ce projet et nous remercions la population de nous avoir alertés. On nous a roulé dans la farine, c'est ce qu'il a donc déclaré. Il a été suivi par tous les élus. Je vais renouveler ma demande de rendez-vous au préfet Thierry Coudert, c'est ce qu'a ajouté l'édile. En attendant, une lettre est partie listant toutes les incohérences du dossier. Zone dédiée à l'agriculture, non-respect du plan local d'urbanisme, proximité d'une zone Natura 2000 et d'une zone de captage des eaux potables avec un risque de ruissellement des eaux, suppression d'un sentier piéton. La copie de cette lettre a été déposée dans les boîtes aux lettres de tous les habitants de la commune afin qu'ils mesurent les enjeux. Par ailleurs, le maire se range à l'avis de Franck Vallée, élu d'opposition, de prendre un avocat pour détecter les vices de forme du dossier. Le prochain conseil municipal aura lieu le lundi 5 novembre à 20h. Dans le cadre magnifique du skatepark d'Evreux à Jambouin, juste derrière les cours de l'Evreux Athletic Club Tennis, plus d'une centaine de personnes ont répondu il y a quelques jours à l'invitation de l'amicale laïque de Saint-Michel, l'ALSM, pour découvrir les activités du club. Skateboard, bien sûr, mais aussi roller hockey, courses d'endurance et freestyle. Pour l'occasion, le club évreuxien avait également convié ses homologues de Louviers et Gaillon. Le club évreuxien compte 70 licenciés pour moitié de femmes et de jeunes de moins de 18 ans. Sur ces installations en plein air, chacun peut s'essayer au roller artistique, en individuel et en couple, ou encore à la descente sur des bosses aménagées. Les participants ont également testé le roller hockey où chacun doit être à la fois à l'aise sur ses patins à roulettes et adroit avec sa crosse. Sans oublier le plus spectaculaire, le freestyle et ses sauts acrobatiques. La course d'endurance est-elle une spécialité que les membres du club d'Evreux connaissent bien, eux qui ont déjà participé aux 24 heures du Mans et de Quiberon et régulièrement aux 6 heures de Mont-Saint-Aignan. Ce sport est si ludique qu'il y en a pour tout le monde à tout âge, c'est ce qu'a déclaré le président de l'association David Tarin. Plus d'infos sur le site www.alsm-evreux.net/roller.html. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée à l'écoute de Cristal. Nouveauté Cristal. Silk City. Featuring Dua Lipa. La première hit radio en Normandie. Falling into you, baby. Even electricity can't compare to what I feel when I'm with you. Oh, baby. Giving up my ghost for you. Now I'm see through. You give me a feeling, feeling so strong. I'ma love you differently. I'll give you electricity.

Le rappel des titres sur Cristal, François Poulet, bonjour à tous. Un mot de la météo pour débuter pour ce mardi 16 octobre. Ciel clair en matinée et quelques brumes dans les vallées avec davantage de nuages sur le département de la Manche. Des températures minimales en baisse ce matin, mais toujours de la douceur entre 11 et 14 degrés sur la Normandie. Et puis un après-midi sec et le plus souvent bien ensoleillé, mais toujours un peu plus chargé à l'ouest. Avec des températures maximales moins élevées qu'à l'est, il fera de 18 à 22 degrés. À Évreux, comme dans l'ensemble du département de l'Eure, les interventions pour destruction de nids de frelons asiatiques ont doublé sur la même période 2018 par rapport à 2017. Déjà très présents en campagne, les frelons commencent à coloniser les villes. C'est le cas à Évreux où, après plusieurs interventions, un nouveau nid a été repéré au village de la Forêt à l'intersection de la rue du Canada et de la rue de Washington, où les riverains ont repéré un nid de taille impressionnante. D'environ 80 cm de hauteur et autant de circonférence, le nid était installé à la cime d'un chêne à environ 15 mètres du sol sur une propriété privée. À la lisière du trottoir, il a dû être retiré. Et près de 900 000 tonnes de déchets inertes d'origine et de composition plus ou moins connues, déposés en 10 ans dans un champ à 200 mètres du lotissement de la Clé des Champs à Arnières-sur-Iton, voilà ce qui attend les habitants de la commune si le projet de création d'un site d'enfouissement porté par l'entreprise Guintoli voit le jour. Voilà en ce qui concerne les titres de l'actualité développés dans votre prochain journal. Très belle journée sur Cristal. La pause déj passe en mode rediff sur Cristal. Et on vous gâte encore cette semaine avec un robot pétrin pour faire plein de pâtisseries, pour gâter vos enfants. Vous jouez au 02 32 23 53 96, il y en a un gagné tous les jours ici dans la pause déj. Nous sommes avec notre premier candidat de cette semaine. Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent, tu habites à Coudre dans l'Eure. C'est ça. Roi de la couture d'ailleurs. Non, ouais, je sais coudre, effectivement, mais rapiécer, hein, des chaussettes, des trucs comme ça. Mais c'est pas ah oui, ça, hein. De la petite voilà. Couture, quoi, qui dépanne. Exactement. Voilà. Est-ce que ta femme est arrivée ou pas? Oui, à l'instant même. À l'instant même. Bonjour à Laetitia. Bonjour. C'est ta petite femme que tu aimes très fort, c'est ce que tu me disais hors antenne. Exactement. Vous aviez trois enfants, une paire de jumelles. Oui, une paire. Une paire, oui, des jumelles, c'est des paires, c'est vrai. Donc, 12 ans, les filles, et puis la grande qui a 16 ans, qui doit aller se faire retirer les dents de sagesse, c'est ce que j'ai compris. Elle est au bloc, là. Elle est au bloc, là, en ce moment? Ouais. Eh bien, je lui souhaite beaucoup de courage, parce que moi, ça fait 3 ans que je dois retirer mes dents de sagesse, et je ne l'ai toujours pas fait, parce que je n'ai pas de courage. J'en connais une autre. Oui, pareil que Laetitia, ta femme est pareille. Oh, ça va. Et voilà, tout le monde le sait maintenant. Vous habitez à Coudre, c'est un petit village qui est juste à côté, tu me disais, de Saint-André-de-l'Eure. Tout à fait. Vous êtes combien à peu près dans ce village? 535, si je me rappelle bien. C'est ça, ouais. 535 habitants. On a peut-être qui nous écoutent en ce moment. Alors, on les appelle comment, les habitants Coudre? Les Coudrets. Les Coudrets, tout simplement. Et bah, voilà. Un petit bonjour à tous les Coudrets. On part pour une minute de questions. Laetitia et Laurent, un robot pétrin est remporté aujourd'hui. Vous faites le meilleur score en une minute et ce sera pour vous, d'accord? C'est bon, c'est parti. C'est parti, je lance le chrono. 3, 2, 1. Quel artiste reconnais-tu dans cet extrait? C'est comme si j'avais pris la main. Cite un fruit à la chair verte, n'importe lequel. Citron. Quel jeu de la Française des Jeux commence par un K et se termine par un O? Keno. Comment s'appelle le principal site internet francophone consacré à l'information médicale? Pass. Qu'est-ce Pass. Qu'un Romané Conti? Pass. Cite-moi une île des Antilles françaises, n'importe laquelle. Réunion. Dans les Schtroumpfs, comment s'appelle le chat de Gargamel? Attends. Comment s'appelle le nouvel entraîneur de l'AS Monaco? Thierry Henry. Donne-moi à 3 ans près l'âge de Patrick Sébastien. 62, il faut nous dire là. 62. C'est le nom d'une voiture de chez Volkswagen. C'est aussi le nom d'un insecte. Quel est-il? Coccinelle. Oui, c'est bien la coccinelle, en effet. C'est la voiture de chez Volkswagen. Alors, Patrick Sébastien fait l'actualité en ce moment. C'est d'ailleurs le thème de notre question du jour sur le Facebook de Radio Cristal. Il va quitter France 2, là. Il fait la fin de la saison et il part de chez France 2. Est-ce qu'il va vous quitter? Enfin, est-ce qu'il va vous quitter? Oui, est-ce qu'il va vous manquer, surtout sur France 2? Est-ce que c'est une bonne décision? T'en penses quoi, toi, Laurent? Je regarde pas trop France 2. T'as pas d'avis de c'est pas ma génération, en fait. Voilà. En fait, ça va rien changer à ton quotidien? C'est voilà, ça, quoi. Exactement. Bon, c'est la plupart des avis d'ailleurs, hein, sur le Facebook de Radio Cristal. Vous vous en fichez un petit peu, quoi. Alors, dans les Schtroumpfs, comment s'appelle le chat de Gargamel? Vous l'avez dit en chœur tous les deux, c'était très beau. Azrael. C'est beau, c'est magique. C'est la seule. Hein. J'ai vu aussi sur ta fiche que tu étais fan de foot, surtout de l'Olympique de Marseille. Bon, ça t'a pas empêché de répondre à cette question. Le nouvel entraîneur de l'AS Monaco, c'est bien Thierry Henry. Parce que l'actualité quand même de la Ligue. Comment? Je suis l'actualité. Ah oui, bon, je l'espère. Voilà. Je supporte Paris quand ils sont en Coupe d'Europe, etc. C'est normal. Bon, on tente au moins. On va écouter Angèle avec la thune. On va te rappeler puisqu'il y a des petits problèmes de réseau. Il veut seulement la thune. Et seulement ça, ça les fait bander. Tout le monde, il veut seulement la fame. Et seulement ça, ça les fait bouger. Bouger leur cul le temps d'un verre. Photo sur Insta, c'est obligé. Sinon au fond à quoi ça sert? Si c'est même pas pour leur montrer. Et puis à quoi bon? T'es tellement seul derrière ton écran. Tu penses à ce que vont penser les gens. Mais tu les laisses tous indifférents. Oh, partie de ces gens-là, rassurés quand les gens ils m'aiment. Et si c'est très superficiel, tout le monde il veut seulement la thune. Tout le monde il veut seulement la thune. Et seulement ça, ça les fait bander. Tout le monde il veut seulement la thune. Tout le monde il veut seulement la fame. Et seulement ça, ça les fait bouger. Féminine, la révélation francophone de cette année 2018. Angèle, c'était la thune. Et d'ailleurs, la thune, vous pouvez en emporter tous les jours ici sur Cristal. Dans la pause déj, vous faites 10 bonnes réponses consécutives en une minute et vous remportez 500 euros. Est-ce que c'est le cas de Laurent et Laetitia aujourd'hui? Non, bon, il y a eu des non. Je passe, donc non, ce n'est pas possible. Oui. Mais vous êtes... Il y a eu des questions un peu dures quand même. Hein. Eh bien, c'est le jeu en même temps, Laurent. Je vais pas te prendre des questions des enfants. Bon. Alors, on va vérifier ça. Ça se trouve, vous avez peut-être remporté aujourd'hui. Vous allez peut-être remporter ce robot pétrin mis en jeu tout au long de cette semaine. Alors, l'artiste qu'il fallait reconnaître, en effet, dans l'extrait que je vous ai passé, c'était bien Garou. Je te demandais de citer un fruit à la chair verte. Alors, t'aurais pu penser au kiwi, par exemple, tout simplement, le raisin ou encore l'avocat, puisque c'est un fruit. T'as pensé au citron. Le citron vert, ça passe. Oui. Donc, je t'accorde cette réponse. Quel jeu de la française des jeux commence par un K et se termine par un O? Est-ce que nous avons un joueur ici avec nous, Laurent? Oui. Ah, Laetitia le dit genre, oui, malheureusement. Alors, en effet, le kéno, c'était la bonne réponse. Comment s'appelle le principal site internet francophone consacré à l'information médicale? On parle bien de Doctissimo. Vous avez un rhume, vous tapez vos symptômes et en fait vous avez une gangrène, hein, d'après Doctissimo. Je vous conseille pas de faire ça, généralement ça fait très peur. Alors qu'est-ce qu'un Romané Conti? Un plat, non? Non, c'est un vin, c'est le plus prestigieux des vins de Bourgogne, qui d'ailleurs ce week-end a été vendu par une bouteille de 1945 à plus de 550 000 dollars, c'est-à-dire 480 000 euros. D'accord, bah, je crois que j'en ai une caisse à tout le monde, on regarde alors. Si tu t'achètes une bouteille aussi chère, est-ce que tu bois le vin ou tu gardes juste la bouteille, Laurent? Je l'ouvrirai peut-être pour les 18 ans de mes enfants. Non, je rigole, non, je sais pas. Ah non, même pas. Ah ouais, d'accord. Bah, moi, je pense. Je sais pas du tout. Moi, je pense qu'il faut quand même le boire. Là, dépenser dans une bouteille de vin, donc. Oui, ça, voilà. C'est sûr. Bon, oui, oui. Voilà. Cite-moi une île des Antilles françaises, n'importe laquelle. Il y avait la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Barthélemy. Tu as dit la Réunion. Il y avait aussi Saint-Martin. Dans les Schtroumpfs, comment s'appelle le chat de Gargamel? C'était bien donc Azrael. Laurent et Laetitia, bonne nouvelle pour vous, puisque vous avez fait un très joli score aujourd'hui qui ne va pas être facile à battre. Hein. C'est de 8 points. Ouh, oh, on a gazé. Oui, vous avez gazé, comme tu dis. Bravo à vous. Bon, rien n'est encore joué, hein, je vous le rappelle. Vrai. Deux candidats peuvent encore passer. S'ils sont en équipe, ils ont peut-être plus de chances aujourd'hui de vous battre. Vous jouez, hein, si vous êtes dans la voiture en ce moment. Si vous avez envie de remporter un robot pétrin, si vous pensez battre Laurent et Laetitia de coudre dans l'heure, vous nous appelez au 02 32 23 53 96. Il faut faire au moins 9 points pour les mettre hors compétition. Je vous embrasse. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, peut-être à tout à l'heure. La pause déj. La pause déj, la rediff, c'est jusqu'à 5h30 sur Cristal.

Trafic. Et soyez très prudents, on nous signale un accident sur la Nationale 154 dans le sens Louviers-Évreux avant la sortie Longbuisson. C'est Elodie qui vient de nous appeler au 02 32 23 53 96. Apparemment, il y a un gros accident en cours sur cette voie-là avec les policiers déjà sur place. On vous donne un petit conseil, sortez à Caer. Voilà, si vous voulez éviter d'être bloqué ce matin. Je vous rappelle donc l'info principale du trafic. Cet accident sur la Nationale 154 dans le sens Louviers-Évreux. Soyez prudents. Vous écoutez la rediff de la pause d'âge. La pause d'âge. Et c'est jusqu'à 5h30 sur Cristal. Nous sommes avec Véronique. Bonjour Véronique. Bonjour Aurélie et bonne fête alors. Mais merci beaucoup Véro. Alors on part du côté de Sainte-Marguerite sur Duclair en Seine-Maritime avec toi. Oui. Mariée, trois grands enfants, hein, 28, voilà. 25 et 21 ans. Et on parlait du fait qu'ils ont quitté la maison. Voilà, tout à fait. Et ça fait plusieurs années, mais c'est encore dur. Voilà, je te demandais si ça fait du bien quand les enfants partent ou pas. Non, c'est encore dur. Moi, il me manque, voilà. Mais ils viennent te voir de temps en temps quand même. Oui, mais non, j'en ai deux qui sont en Alsace. D'accord. Donc, je leur fais un gros coucou s'ils m'écoutent, parce que normalement, ils m'écoutent sur Internet. Oui, sur l'application, ouais. Voilà, exactement. Et j'en ai plus qu'une qui a un quart d'heure de chez moi, donc... Oh, ça va. Voilà, mais comme c'est celle que tu préfères le moins, du coup, c'est un petit peu plus... Non. Le j'aime... C'est pas pareil. Non. Et j'imagine si tu me disais oui en plein direct comme ça à la radio. Oh bah non. Alors là, pour faire une transition sur le questionnaire, je vous le dis pas. Moi. Alors Véronique, on part pour une minute de questions aujourd'hui. Ça va pas être facile. Hein. Laurent et Laetitia ont fait 8 points. Toi d'en faire 9, c'est très fort, oui. Voire 10 consécutives pour empocher 500 euros. Es-tu prête? Tout à fait. On y va. C'est bon. 3, c'est bon. 2, 1. Quel artiste reconnais-tu dans cet extrait? Ça sonne faux, je veux le feu, la forme, déformer le monde, monotone et morne, comme chaque printemps. En quoi se transforme Alain Chabat dans le film Didier? En chien. Donne-moi à 3 ans près l'âge d'Angela Merkel. 62 ans. Dans quel sport s'illustre la française Caroline Garcia? Escrime. Quelle personnalité a été éliminée de Danse avec les stars samedi soir? Moscato. Quel est l'emblème de la marque Lacoste? Un crocodile. Comment s'appelle un triangle dont les trois côtés sont égaux? Unilatéral. Si on en croit le célèbre slogan publicitaire, il y a quoi quand il y en a marre? Je sais pas, je passe. Quel terme désigne une improvisation collective de jazz? Un flash dance. Comment appelle-t-on un groupe de poissons qui se déplacent ensemble? Un banc. 6 x 14 égale... 6 x 14, 72. Au moins t'as tenté. Oui, au moins j'ai tenté, mais là, tant que ça fasse, que ce calcul se fasse. On sentait que t'étais pas très convaincue déjà par ta réponse. C'est non, pas trop. 6 x 14 égale 84. Comment ça, ouais. Tu savais pas 6 x 14 égale 84 comme ça? Voilà. Non, franchement, je trouve ça inadmissible, voilà, Véronique. Exactement. Enfin, je le révise, les tables. Bon, alors là, t'étais mais complètement à côté de la plaque. Je me suis retenue, hein, parce qu'il faut rester sérieux hein, quand même à la radio, surtout quand on vous pose des questions. Quel terme désigne une improvisation collective de jazz à tes souhaits, Jocelyne, qui oublie qu'elle a le micro souvent allumé. Mais bon, hein, c'est les rhumes et tout ça, on n'y peut pas grand chose. Ah oui, là, le truc de jazz, non, j'ai dit un truc au hasard, mais vraiment, après, je me suis dit n'importe. Alors, t'as dit un flash dance, toi, t'étais partie dans la danse, je pense. Ah oui. Le terme qui désigne une improvisation collective de jazz, vous l'aviez sûrement peut-être dans la voiture, c'était un bœuf. Ah oui, bah voilà. Et le slogan, il y a quoi quand il y en a marre? Bah, il y a mal à barre. Ah, bah oui. Oh, celle-ci, tu devais l'avoir quand même, non? Oui, mais c'est ma génération en plus. Hein. Donc, Le truc, c'est que ça démarrait, mais du tonnerre. Avec toi aujourd'hui, je me suis dit, oula, elle va nous faire 10 bonnes réponses consécutives, la Véronique. Eh ben non. Bon, non. Non, ça c'est sûr. Alors après, tu as bien retrouvé M6 Solar dans le premier extrait. Et Alain Chabat se transforme en chien dans le film Didier. Et sinon, donc la personnalité qui a été éliminée de Danse avec les stars samedi soir, c'était bien Vincent Moscato. Le total de tes bonnes réponses juste après Frérot de la Vega. Au-delà des orages, je pars en voyage. Mon âme au vent, le cœur et le fond. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant énormément. aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Sur les épaules des géants, le cœur éléphant. Voir au-delà de nos vies, le cœur ébahi. Goûter la voie lactée, le cœur léger, le cœur léger. Tous les midis dans la pause d'âge sur Cristal cette semaine. Pour jouer, c'est très simple, vous nous appelez au 02 32 23 53 96. Aujourd'hui, il faut battre Laurent et Laetitia de Coudre dans l'heure. Véronique a tenté ce challenge. Oui. Véronique, tu habites à Sainte-Marguerite-sur-Duclair en Seine-Maritime. C'est donc un combat pour le moment entre l'heure et la Seine-Maritime. Oui. Alors, donne-moi à 3 ans près loge d'Angela Merkel. Tu as dit, alors je n'ai pas la réponse. Ah si, tu as dit 62 ans, elle a 64 ans. Donc j'accorde cette réponse. Bah, je pensais que j'avais perdu là. Déjà. C'était un peu du hasard en même temps. Mais bon, tu l'as eu. Alors la Française Caroline Garcia s'illustre dans le tennis et non pas l'escrime. Et puis à partir de ce moment-là, ça se gâte après. Comment s'appelle un triangle dont les trois côtés sont égaux ? C'était un triangle équilatéral et non pas unilatéral. Voilà. Bien tenté. L'emblème de la marque Lacoste, c'est bien le crocodile. Si on en croit le célèbre slogan publicitaire, quand il y en a marre, il y en a mal à barre. Il y a mal à barre. Mince, il y en a mal à barre. Le terme qui désigne une improvisation collective de jazz, c'est un bœuf. Et comment appelle-t-on un groupe de poissons qui se déplacent ensemble? On appelle ça un banc. Véronique, il fallait faire 9 points. Oui, mais non, je crois que je suis largement. Alors largement, je dirais pas largement. Je dirais que t'as fait un très bon score quand même, de 6 points. Mais malheureusement, ce score ne sera pas suffisant pour aujourd'hui. Et ce fameux robot pétrin. Oh, c'est... C'est pas grave, Véronique. Je reprendrai. Mais on s'est bien amusé toutes les deux. Voilà, c'est ce qui compte. On a passé un très bon moment. Tu reviens bien sûr quand tu veux, hein. Oui, oui, ben je retenterai ma chance. Et merci. Vous aurez un jour, je vous aurai. Oui, tu m'auras. Oui. Véronique, écoute, je te souhaite une belle après-midi. Reste bien à l'écoute de Cristal. Je sais que t'es très fidèle. Je te fais des gros bisous. Merci beaucoup et bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci, au revoir. Allez-y si vous avez envie de gagner un robot pétrin quand même pour faire des bons gâteaux, pour gâter tout votre entourage, vos collègues, pourquoi pas, et pourquoi pas aussi gâter Radio Cristal. Et bien vous nous appelez au 02 32 23 53 96. Il faut battre ce duo de choc aujourd'hui de Coudre, Laurent et Laetitia, et faire minimum 9 points. Vous écoutez la pause d'âge, la rediff avec Aurélie sur Cristal. Le rappel des titres sur Cristal, François Poulet, bonjour à tous.

La pause déj passe en mode rediff sur Cristal. Avant de retrouver notre troisième et dernier candidat de cette semaine, j'ai une petite rectification à faire aujourd'hui. Le score à battre n'est pas de 8 points, mais de 7 points, puisque je me suis trompée. Mais à coup de pas, la Réunion ne fait pas partie des Antilles, ce qui fait une bonne réponse en moins pour Laurent et Laetitia, mais ce qui est une très bonne nouvelle pour notre dernier candidat qui s'appelle Mickaël. Bonjour Mickaël. Bonjour. On part dans l'heure avec toi du côté de Gravigny, tout près d'Évreux. Aide-soignant en réanimation, très beau métier. Tout à fait. Foot, tu aimes le PSG. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, ton concurrent adore l'OM. Ah, d'accord. J'aime bien quand il y a des concours PSG-OM. Je sais pas pourquoi. Ouais. Je trouve que ça met du suspense comme ça. C'est qui ton joueur préféré ? Mbappé. Mbappé, c'est fou. C'est un peu classique, mais voilà. Ouais, ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est pas très original, quoi. On aurait préféré un petit Olivier Giroud, je sais pas, non, non. Moins. Moins Tu es marié, tu as 4 enfants. Oui, tout à fait. Donc tu es l'homme qui a le plus d'enfants ce midi dans la pause déj. Combien filles, garçons ? 2 filles, 2 gars. Ah, c'est bien, c'est égal, voilà. Ouais. Parité. Ça se passe ouais, bien quand même à la maison, c'est pas trop difficile. Oui, ça va. Non, ça va. Des hauts et des bas, mais ça va. Bon, j'imagine, entre les filles et les garçons, ça doit se battre un petit peu quand même. Ouais, c'est la vie. Ça va. Ils sont grands maintenant, donc ça va. Mickaël, on part pour une minute de questions. Bonne nouvelle pour toi. Il faut que tu fasses 8 points et non plus 9 pour battre donc Laurent Decoudre. Es-tu prêt ? Oui, je pense. Ça reste quand même un gros score à faire aujourd'hui. Je te souhaite bonne chance et bon courage. Ouais. On y va. 3, 2, 1. Quel artiste reconnais-tu dans cet extrait ? Bananarama. Sur le Tour de France, comment s'appelle le véhicule qui récupère les coureurs qui abandonnent ? La voiture balai. En 1990, qui tient le rôle principal du film Cyrano de Bergerac ? Depardieu. Quel styliste français a pour initiale JPG ? Quelle partie du patin à glace est en contact direct avec la glace ? La lame. Comment appelle-t-on un film qui dure moins de 20 minutes ? Un court-métrage. Quel jeu vidéo très populaire a pour traduction littérale en français l'appel du devoir ? Passe. Donne-moi à 3 ans près l'âge qu'avait Michael Jackson lorsqu'il est mort. Oh, wow. 41. Quelle émission est diffusée ce soir en prime time sur M6 ? Nul. Tu as dit les nuls ? Non. Bulle. Bulle. Bulle. Bulle. Ouais, boule, ouais. Alors, c'est L'amour est dans le pré sur M6 le lundi soir. Ah, bah d'accord. On a loupé, hein. Bah oui. Bon, dommage pour la dernière question qui était quand même, je trouve, une question plutôt simple, je trouve. Ouais, aussi, mais ouais. Alors, ça démarrait, mais super bien, parce que franchement, il fallait reconnaître Bananarama, quoi. Bah oui. J'ai comme une envie de m'épiler les jambes d'un coup. Alors, sur le Tour de France, comment s'appelle le véhicule qui récupère les coureurs qui abandonnent ? Tu n'étais pas certain de ta réponse et pourtant c'était une bonne réponse, c'était bien la voiture balai. Ah, c'est ça. Ouais. Gérard Depardieu qui a tenu le rôle principal du film Cyrano Bergerac en 1990, ça te fait une autre bonne réponse. Tu aurais pu avoir celle-ci, tu l'as pas eu, les initiales JPG, quel styliste français a ses initiales ? C'était Jean-Paul Gaultier ? Oui, Gaultier, oui. Ouais, la marinière et tout ça, quoi. Ouais, tout à fait. Bon, Mickaël, après coup. Ça m'a l'air quand même plutôt pas mal. Est-ce que tu as battu quand même Laurent aujourd'hui et Laetitia, sa femme ? On va voir ça dans un instant, juste après. Matt Simons, à tout de suite. À tout de suite. We can do better. We can do better. might drink too much and say things we shouldn't say. Forgive and forget, for we go to bed and we're gonna be okay. Some people pretend it's not gonna end and then up and walk away. But that isn't me, I'm not gonna leave, I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs but heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. We can do better. And nothing lasts forever. We can do better. I'm not worried cause the thing is, we can do better. I know you and I are different. We can do better. I don't wanna overthink it. We can do better. I know you and I are different. We can do better. We see his bad blood and mistakes. All we hear is sad songs but heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. We can do better. And nothing lasts forever. Matt Simons avec We Can Do Better. On peut toujours mieux faire. Alors est-ce qu'aujourd'hui Michael de Gravigny dans l'heure a fait mieux que Laurent de Coudre dans l'heure? Est-ce qu'il a fait au moins 8 points pour le battre? Alors, Michael. Oui, je pense pas. Alors, la partie d'un patin à glace qui est en contact direct avec la glace, c'est bien la lame. C'était une bonne réponse. Comment s'appelle un film qui dure moins de 20 minutes? On appelle ça, bien sûr, un court-métrage. Quel jeu vidéo très populaire a pour traduction littérale en français l'appel du devoir? Tu joues un petit peu à la console ou pas? Oui, mais... Je ne me rappelais plus, l'appel du devoir. Je... Call of Duty. Ah bah d'accord, ouais, très sympa. Et moi aussi j'ai appris quelque chose aujourd'hui, c'est vrai. Je te demandais à 3 ans près l'âge de Michael Jackson, lorsqu'il est mort. Ouais. Toi tu as dit 41 ans. Il avait tout pile 50 ans. Ah bah voilà. Bon, ah bah voilà, on sait. Bon, Michael, pour toi aujourd'hui, tu n'as pas fait 8 points, tu as quand même fait le score très honorable de 5 bonnes réponses. Mais comme le score était difficile à battre, et bah quand même, bravo. Et bravo d'être passé à l'antenne avec moi. Merci en tout cas, Michael. Bah merci pour tout et félicitations à mon concurrent. Et bah on va le féliciter tous les deux. Bravo à toi, Laurent. Merci, Michael. Merci. Eh, ce fair play, j'adore. C'est bien les gars, c'est bien d'être comme ça. Quelle bonne merci, mentalité dans merci, l'heure. Tu as oublié, merci. Ah, bravo Laurent et Laetitia. Aussi, oui. Ah, hein, quand même. Si Laetitia ne dit pas que t'as rien fait, tu étais quand même à côté de ton mari pour le soutenir, c'est ce qui compte. Alors, ce que vous allez faire, c'est aller vous acheter un nouveau téléphone ou changer d'opérateur téléphonique, parce que alors là, au niveau du réseau, tous les deux, Laurent et Laetitia, c'est pas ça, hein. Ah, mais je suis en haut-parleur. Ah, c'est peut-être pour ça. Ah, c'est haut-parleur. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez gagné votre robot pétrin aujourd'hui. On vous l'envoie directement à la maison. Vous ferez des bons petits gâteaux. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous en ramener, hein, chez Radio Cristal, d'accord? Gros bisous à tous les deux. Gros bisous à Michael également. Vous jouez, vous aussi, pour emporter un robot pétrin cette semaine au 02 32 23 53 96. La pause déj. La pause déj, la rediff, c'est jusqu'à 5h30 sur Cristal. Cristal. Dimitri prend l'antenne jusqu'à 9h30. Je me crois en été, moi. Du soleil encore hier après-midi, un temps agréable. On n'a vraiment pas l'impression d'être en automne, hein, même si quelques feuilles commencent à tomber et à se coincer dans les essuie-glaces. Eh oui, on connaît tout ça. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin. On est mardi, le 16 octobre, et on continue de se réveiller ensemble, hein, comme tous les jours sur Cristal. Ce matin, de l'actu, bien sûr, tout ce qui s'est passé en Normandie et dans le monde ces dernières heures. Il y a les anniversaires de stars qui arrivent aussi, l'horoscope avant 6h, et puis dans un instant, je vous parlerai de la fabrication des jeans. On utilise énormément d'eau pour les fabriquer. Certaines associations sonnent l'alerte. Voilà, vous verrez, les chiffres sont assez impressionnants, hein. D'ici là, George Ezra, Justin Timberlake arrivent pour la suite de vos hits, histoire de bien vous motiver pour ce début de journée. Très bon réveil sur Cristal, il est 5h30. Les infos, c'est avec François Poulet. Bonjour.

Je plonge dans tes yeux sans rancune. Plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je te vois, plus je me noie, je me noie, je me noie. Je suis une femme à la mer. Plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je bois, plus je crois, plus je crois, plus je crois qu'on est tout seul. C'est déjà l'heure. Avec Dimitri sur Cristal. So just when the world's saying they got no hope, here comes the love. We got audio. We flying high, superhero. S on my chest with my Marilyn Monroe. Feel like a star, 'cause we got audio. Speak our language. no, no, no, is we don't get. We're gonna keep it on going till we can't go no more. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. Sur Cristal, il est bientôt 6h et certains d'entre vous sont déjà en galère sur les routes. Je vous rappelle qu'il y a eu un accident sur la Nationale 154 dans le sens Louviers-Évreux. Un poids lourd est couché en ce moment sur la route. La police est sur place depuis plus d'une heure maintenant et il y a beaucoup de bouchons forcément. Alors pour éviter la zone, prenez la sortie KR et si vous avez des infos, n'hésitez pas à nous appeler au 02 32 23 53 96. Aïe aïe aïe, c'est compliqué les débuts de journée comme ça. Ça ira mieux, vous verrez. On annonce du beau temps en Normandie aujourd'hui jusqu'à 23 degrés. Une journée quasi estival encore. Vos températures, on les donne après 6 heures dans la météo. Pour le moment, c'est l'horoscope avec Alexandra. Bonjour. Bonjour à tous. Le 16 octobre, aujourd'hui, c'est l'horoscope de ce mardi. Bélier, votre vie de famille sera une source de satisfaction, mais vous aimerez avoir vos propres idées et ne pas être influencé. Taureau, vous réparez les erreurs du passé en étant moins exigeant envers l'autre. Gémeaux, si vous êtes célibataire depuis peu, vous retrouverez le plaisir de séduire et de sortir avec vos amis. Cancer, vous serez excessivement passionné et amoureux, comme au premier jour. Lion, le bonheur n'est pas si loin. Retrouvez le sourire, il ne faut surtout pas baisser les bras. Vierge, vous vous sentez un peu nerveux. Il faut dire que votre carrière vous prend beaucoup d'énergie. Vos amis sont très présents, les balances, ils vous dynamisent et vous apportent ce qu'il vous manque. Scorpion, vous serez à la recherche d'un amour solide et résistant à toute épreuve. Sagittaire, vous vous sentez l'âme créative, vos idées seront des plus originales. Capricorne, aujourd'hui, malgré tous vos efforts, vous n'arriverez pas à rencontrer quelqu'un de valable sur le plan affectif. Verseau, vous devrez faire face à une situation délicate. Il faudra réfléchir avant de faire un choix irrévocable. Les poissons, vous qui n'avez jamais d'avis tranché aujourd'hui, eh bien, il va falloir prendre une décision. Excellente journée à tous. L'actu, la météo arrive après Stromae sur Cristal. Il est maintenant créateur de mode, c'est vrai, mais c'est avant tout un artiste. On l'écoute avec Papa Outé. Très bon réveil. D'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Quoi? Qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité, c'est ça. Faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où t'es, où papa, où t'es? même devoir lui parler. Il sait ce qui ne va pas. Oh sacré papa, dis-moi où es-tu caché. Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts.